C'était une époque assez dure pour tout le monde, je crois, parce que c'était l'époque, donc avant la guerre de 14, où il y avait les manufactures, mais il n'y avait pas encore les grandes usines telles qu'elles existent aujourd'hui, avec le développement mécanique, scientifique, qui a permis un allègement des travaux des hommes, et qui faisait que l'homme faisait des travaux énormes manuellement. On avait beaucoup besoin de main-d'œuvre et c'était très mal payé, quoi.